plus de lits et de temps qu'il n'en faut se déroule et piétine. On en perd peut-être un peu trop. C'est un peu de la fibre qui décline tandis qu'on tourne le dos. L'agréable à l'essentiel se résigne. Le regard porte moins haut. L'habitude et le regain s'affinent et d'humeur en lassitude on s'éprend d'une langueur assassine. C'est aussi des candeurs qu'on dénude et le confort des certitudes, quelques fantômes qu'on élude, on organise les inquiétudes. C'est encore des rues qui s'éteignent sur une promesse non tenue, un regard échappé sous une enseigne. Qu'est-ce qui nous a donc retenus? Et quelle absence ne nous a pas prévenus? De quelle grâce ou quelle chance ne sommes-nous pas attendu? C'est sûrement que l'avenir se réserve et nous garde une inconnue, que les ardeurs font une trêve, que rien n'est peut-être perdu.